pris sur le vif. Écoutez. Alors, tu joues oui ou non? Je ne sais pas quelle carte je dois mettre. Ah, ce n'est pas marrant de jouer avec toi. C'est toi qui as voulu que je joue. Tu sais bien que c'est la deuxième fois que je joue à la belote. Ne vous chamaillez pas, c'est pique demandé. Si tu en as, tu mets un pique. Un petit ou un gros? On sera encore là demain matin. Répétez. Alors, tu joues oui ou non? Je ne sais pas quelle carte je dois mettre. Ah, ce n'est pas marrant de jouer avec toi. C'est toi qui as voulu que je joue. Tu sais bien que c'est la deuxième fois que je joue à la belote. Ne vous chamaillez pas. C'est pique demandé. Si tu en as, tu mets un pique. Un petit ou un gros? On sera encore là demain matin. Écoutez. Est-ce clair? Tout le monde suit? Moi, monsieur, je n'ai pas très bien compris. Il n'y a rien à comprendre. Il suffit d'appliquer le théorème. Qui peut répéter le théorème de Pythagore? Moi, monsieur. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. C'est bien. On va refaire un autre exercice. Jeanne, viens au tableau résoudre ce problème. Oui, monsieur. Répétez. Est-ce clair? Tout le monde suit? Moi, monsieur, je n'ai pas très bien compris. Il n'y a rien à comprendre. Il suffit d'appliquer le théorème. Qui peut répéter le théorème de Pythagore? Moi, monsieur. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. C'est bien. On va refaire un autre exercice. Jeanne, viens au tableau résoudre ce problème. Oui, monsieur. Écoutez. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner quelques explications? Je ne comprends pas à quoi j'ai droit. J'ai 67 ans, je suis veuve et j'ai une carte d'invalidité. Est-ce que j'aurai un abattement sur mes impôts? Attendez, c'est simple. Je vais vous expliquer. Si vous avez un revenu de moins de 23 000 francs, vous avez droit à un abattement de 3 720 francs. Vous avez plus? Non, c'est bien mon cas. Merci, monsieur. Répétez. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner quelques explications? Je ne comprends pas à quoi j'ai droit. J'ai 67 ans, je suis veuve et j'ai une carte d'invalidité. Est-ce que j'aurai un abattement sur mes impôts? Attendez, c'est simple. Je vais vous expliquer. Si vous avez un revenu de moins de 23 000 francs, vous avez droit à un abattement de 3 720 francs. Vous avez plus? Non, c'est bien mon cas. Merci, monsieur.